Technique du Marcos Pop de Saint-Félicien avec l'instructeur-chef David Boudreau. C'était l'ouverture de la saison locale, vendredi soir, une belle victoire de 6-2. Salut David! Salut. David, belle victoire de 6-2 contre les Saguenay de Chicoutimi. Oui, exactement. C'était la première de la saison, premier match. La saison régulière 2015-2016, depuis le 16 août qu'on a commencé à pratiquer des matchs entre équipes, quatre matchs en concours. On avait hâte de commencer, puis on affrontait les Sacs pour commencer, pour débuter. Puis c'est une belle victoire de 6-2. C'était pas un grand match dans le titre. On a gagné 6-2, oui, mais les Saguenayens n'avaient joué aucun match en concours. Il n'y avait pas encore eu un match ensemble avec les joueurs. Fait que c'est apparu pour les Sacs. Nous, on a profité. On a bien contrôlé le jeu, bien contrôlé la rondelle. Par contre, dans le début de saison, la cohésion n'est pas là. Des fois, les trios sont nouveaux. Les gens ne se connaissent pas encore. En zone centrale, il y avait beaucoup de revirements, beaucoup de rondelles libres. Mais on a pareil récolté les trois points avec le point franc-jeu pour gagner le match. OK. Et là, je suis calendrier en même temps que je te parle. Et vous allez deux fois à cette île en fin de semaine, c'est ça? Pas cette île, mais c'est... Oui, on a gagné. C'est Marco Smith. C'est cette île qui vient deux fois ici, c'est ça? On a gagné dimanche soir aussi. OK, vous avez gagné dimanche soir contre Alma aussi, parce que ça, c'était pas sur le site de la Ligue. Donc, comment ça a été dans ce match-là? On a gagné 2-1 en prolongation. On a marqué, il restait à peu près 2 minutes au match. C'est encore un autre match, un peu comme 2-3 mouvements. Là, on commence au début du match. Alma sont super rapides. On savait qu'Alma avait perdu 7-2 contre vendredi soir. Il allait être prêt dimanche pour jouer ce match-là contre nous. Surtout qu'on l'avait battu deux fois en match hors concours. Puis comme prévu, Alma a été super rapide. Le gardien de but du four était vraiment dominant des arrêts clés. C'était 1-0 depuis le début du match. C'était ça jusqu'en milieu de troisième période. Alma a créé l'égalité sur un revirement. Le défenseur a perdu pied sur un pivot. Donc le joueur est pas en échappé. Il a pris un retour puis il a marqué un but. Après ça, en prolongation, on a eu nos chances de marquer. Dany, on était à 5 contre 3. On n'a pas profité de nos chances. Ensuite, Alma, un avantage numérique en fin de période, en fin de troisième, ils n'ont pas réussi à marquer. Puis la chance était de notre côté en prolongation, quand Guillaume Tremblay a fait un tir qui semblait un peu inopportun dans l'enclave, en virant, mais ça a pogné le poteau, puis ça a pu turquer d'un but. Fait qu'on a gagné 2-1 contre les Aiglons d'Allemagne. Et là, en fin de semaine, c'est les Basques de cette île qui sont ici même à Saint-Félicien. Deux matchs. Un match à Robertval samedi, parce que là, l'après-midi, on n'avait pas la glace à Saint-Félicien, donc on joue samedi à 14h à l'Arena Benoît Lévesque à Robertval. Et le samedi soir, on affronte de nouveau une deuxième fois, mais cette fois-ci à Saint-Félicien. Pas une mauvaise affaire. Dans le fond, vous allez faire connaître votre équipe, vous allez faire connaître aux gens de Robertval. Pour nous, c'est pas. Ça change rien vraiment là, à l'allure du match. Et surtout maintenant au point de vue du restaurant. Là, je sais que. C'est quand chacun des équipes ont leur place, fait que les restaurants, eux autres, c'est souvent des employés à salaire avec des pourboires. Fait que si on n'est pas à Saint-Félicien, on mange pas à Saint-Félicien, on prend pas de la bière à Saint-Félicien. Fait que la même qui travaille au restaurant, elle, c'est plus tranquille pour elle. C'est à faire un match, autrement dit. Là. Puis nous, on s'en rend pas compte, les joueurs et les entraîneurs, parce que nous, c'est tellement bête. Et quand on pense un peu, ça dérange qui au point de vue des matchs comme ça, ça dérange un peu la concession des restaurants que eux, mettons, ils font pas. Là, ils ne feront pas leur profit cette soirée-là, c'est sûr. OK. Donc, cette île, est-ce que tu n'as entendu parler un petit peu? C'est sûr que c'est loin. Vous n'avez pas vu un match au concours. C'est la première fois que vous allez les voir. Mais t'as-tu quand même... Non, on les voit. Oui, tu n'as rien de ça? Il y a un bon noyau de joueurs qui revient. Initiation, qui est un très bon joueur d'hockey, revient comme un 17 ans, j'imagine. À moins qu'il ait arrêté. Mais il y avait des rumeurs qui revenaient, qui était un très bon joueur d'hockey. Il était là l'année passée avec les Basques. Ensuite, je sais pas. Des fois, souvent, les joueurs qui jouent à Minute Espoir, ils vont pas venir au 4-3, fait qu'ils vont une minute 2B après. Okay. Ça arrive aussi souvent, comme Bécomo un petit peu l'année passée. Bécomo est une équipe extrêmement rapide. Sept-Îles également, Sept-Îles qui ont battu Bécomo l'année passée. C'est, dans la Côte-Nord, c'est deux bonnes équipes de hockey. Mais on, par contre, comme tu dis, on sait pas. Ils ont pas joué le match hors concours. On n'a pas vu jouer non plus. On sait pas c'est qui les joueurs. Fait qu'on va avoir la surprise samedi après-midi à Robertval. David, on se parle mardi prochain. C'est la chronique du Marcos Pop de Saint-Félicien avec David Boudreau.